dent blanche, tu me charmes dans la cuisine. Ça me rappelle quand j'avais baisé ma cousine. Mais tes origines espagnoles, moi, me font peur. Je préfère largement Perrine et mon coiffeur. Tes dents blanches, ma petite chérie, sont un boucaque réussi. Boucaque réussi. Boucaque réussi. Boucaque réussi. N'aie pas peur de moi quand je m'étale du caca. Je sais bien que les gens ne comprennent pas, mais ton caractère bipolaire, moi, il m'excite. Ça me rappelle un peu Perrine en 2008. Tes dents blanches, ma petite chérie, sont un boucaque réussi. Boucaque réussi. Boucaque réussi. Boucaque.